Suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, philosopher en bande organisée, une série d'Élise Gruot réalisée par Diffy Mariani. Au départ de cette série, il y a le confinement qui nous isole, les idées qui s'épuisent, l'inspiration qui s'assèche et le plaisir de penser ensemble, d'avoir des idées en groupe ou même de réfléchir à plusieurs en arpentant Amsterdam. Alors pour commencer, les personnages. Une philosophe qui déduit, une historienne qui décrit, un philosophe qui raconte et un autre dans la chronologie. Ensuite le décor. L'amitié, la raison, la liberté, les provinces unies, l'imprimerie, des feuilles volantes, une révolution, des guerres, le judaïsme, le protestantisme, la peste, des traductions, la monarchie et la politique. Aujourd'hui, deuxième épisode, on a reçu une lettre. Plerique, quid affectibus et dominum viventi ratione scripserunt, videntur non de rebus naturalibus, quae communes naturae leges secpuntur. BDS, alias Bento de Spinoza, au très docte et très savant Monsieur Johannes Boumeister. Incomparable ami, je ne sais si tu m'as définitivement oublié, mais j'ai beaucoup de raisons de le croire. Pour commencer, je voulais te saluer avant mon départ, et je ne doutais pas de te trouver chez toi où tu m'avais toi-même invité. À ce moment-là, j'appris que tu étais en route pour La Haye. 3 semaines pour finir, j'ai attendu. Et pendant tout ce temps, je n'ai pas vu l'ombre d'une lettre de toi. Donc, si tu veux qu'on me délivre de l'impression que j'ai, tu vas, toi, te délivrer d'une lettre. Spinoza et compagnie. Initial BDS, Bento de Spinoza. Pour ce qui touche à la troisième partie de notre philosophie, j'en enverrai un bref quelque chose, soit à toi, si tu veux en être le traducteur, soit à l'ami de Vries. J'avais décidé de ne rien envoyer avant de l'avoir entièrement terminée, mais comme elle s'avère plus longue que je ne voudrais, je ne veux pas vous retenir trop longtemps. J'enverrai ce qui va jusqu'à la proposition 80 environ. Je voudrais savoir ce qu'en pensent nos amis. Forbourg, début juin 1665. Initial BDS, placé en tête des œuvres posthumes qui contiennent rien moins que l'éthique de Spinoza. BDS. Prudence pour un livre explosif ? Humilité exemplaire de l'auteur ? L'acronyme pourrait aussi être le signe du groupe d'amis qui façonna l'édition de ses textes majeurs après la mort de Spinoza. Du groupe d'amis avec lequel il chemina toute sa vie pour fonder sa philosophie. BDS pourrait même signer une conception de la philosophie qui les engage en profondeur. Ainsi ce mystère et cette interrogation autour de ses initiales et autour de ce que Spinoza nomme dans sa correspondance « notre philosophie », une des plus inspirantes, qui fit dire à Bergson que tout philosophe a 2 philosophies, la sienne propre et celle de Spinoza. Une des pensées qui se prolonge avec le plus de pertinence jusque dans notre actualité du XXIe siècle. En quoi la figure de Spinoza prêtait-elle à la légende d'un philosophe isolé ? La philosophe Chantal Jacquet nous répond. Mais j'imagine d'abord que le fait que Spinoza a été exclu de la communauté juive par un RM, qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat, ça a un peu contribué à la légende d'un philosophe courageux, en rupture de banc, un philosophe martyr, un juste martyr. Donc ça, c'est quelque chose qui joue dans l'imaginaire. Hein. Et puis, la puissance aussi de son esprit, la construction de l'éthique qu'il donne à lire à ses amis proposition par proposition, c'est quelque chose qui a fasciné, qui continue de fasciner. Mais l'essentiel, je crois que c'est la puissance de sa pensée et l'articulation, qui a été la plus aboutie entre ce qu'on pourrait appeler la métaphysique, l'éthique et la politique, qui généralement était explorée de façon séparée par la plupart des philosophes. Soit ils s'orientaient vers la métaphysique, soit ils méditaient sur l'éthique, ou quand ils s'intéressaient à la politique, c'est toujours un domaine séparé. Et je pense que cette vision, on pourrait dire synoptique, de Spinoza, où il embrasse en même temps Dieu et la nature, et puis la liberté humaine dans l'État, mais aussi ce partage, c'est-à-dire avec le cercle des amis de confiance, c'est quelqu'un qui donne beaucoup. Donc en même temps, il se prête bien à la figure du sage, de par sa vie modeste, il ne cherche pas les honneurs ni les richesses, il vit retiré, il cultive sa raison. Quand des amis demandent des explications, il répond volontiers aux questions, alors que ses forces s'amenuisent, par exemple, et que il n'a pas pu achever tous les traités qu'il avait entrepris. Donc je pense que c'est aussi ça qui alimente la légende, à la fois d'un penseur solitaire maudit, et en même temps quelqu'un d'une grande générosité, d'une capable d'amitié, d'échange. Donc c'est à la fois le solitaire, mais le solitaire qui ne se coupe pas des autres et qui va quand même reconstituer l'idée d'une communauté de sages qui vivent sous la conduite de la raison. Et donc ça alimente aussi l'idée du philosophe qui, quoi qu'il arrive, dans l'adversité, continue d'affirmer la puissance de la raison, sans prétention, ni se commettre non plus avec les pouvoirs politiques. Ça aussi, ça peut forcer l'admiration et accréditer une légende. On parle beaucoup aux Pays-Bas. Au XVIIe siècle, on parle beaucoup, on a même forgé l'idée d'une culture de la discussion à propos de l'espace public néerlandais du XVIIe. Catherine Secrétan. La ville d'Amsterdam devient une des plus grandes villes d'Europe. Son port abrite plus de 5000 navires. Et elle s'inscrit dans le commerce mondial très rapidement, avec une force et une capacité inouïe. Elle fonde deux empires coloniaux, la Compagnie des Indes orientales et la Compagnie des Indes occidentales. Elle développe un commerce international de transit. Elle devient l'entrepôt de l'Europe. Donc tout ça assure une richesse considérable pour l'époque et surtout très rapide. Alors, Spinoza, à deux reprises dans le traité théologico-politique, évoque d'une part cette rare félicité de vivre dans une libre république, ça c'est une expression que l'on trouve dans la préface, et au dernier chapitre de ce traité, il dit « Prenons comme exemple la ville d'Amsterdam qui éprouve les effets de cette liberté pour son plus grand profit et avec l'admiration de tous ». Donc il y a un éloge non déguisé, un véritable éloge de la liberté néerlandaise. On parle beaucoup politique parce que, d'abord, la politique est un peu l'affaire de tous, dans la mesure où c'est un pays extrêmement décentralisé, je dirais, et que finalement le pouvoir est aux mains des villes, et aux mains des villes, ça veut dire aux mains des individus. Donc le bourgeois, le citoyen, est au courant de la politique et s'y intéresse. D'autre part, il est en mesure, beaucoup de gens sont en mesure de lire. Le degré d'alphabétisation est très développé dans ce pays. La culture imprimée est très importante. Il y a énormément d'éditeurs, énormément de livres qui circulent, donc les gens peuvent lire. Et donc, ils sont au courant, ils discutent. Et ils discutent beaucoup, très souvent, sur les bateaux qui les emmènent d'une ville à l'autre par les canaux. Au point qu'il y a un type de feuilles volantes, si je puis dire, et de pamphlets qu'on appelle les Zuidpraatje, c'est-à-dire les conversations sur les barges. Les gens discutent et ils mettent ça par écrit et les feuilles volantes circulent. De ce point de vue, on peut dire que Spinoza est bien le résultat, le produit de son époque, mais pas seulement de la communauté juive. C'est toute la population d'Amsterdam qui est comme ça. Maxime Rovert. C'est-à-dire que les juifs se disputent entre eux, les chrétiens se disputent entre eux, et les réformés, donc calvinistes, se disputent contre des réformés qui ne veulent pas de Calvin, qui se revendiquent de Méno, qui est donc un autre réformateur. Donc il y a des Ménonites, il y a des Anabaptistes, il y a tout un tas de sectes. Et c'est de ce débat-là, de cette diversité-là, qui ne donne pas naissance à des luttes intestines comme les guerres de religion en France, qui donnent plutôt lieu à une effervescence intellectuelle, une multitude de publications, de pamphlets, de livrets, de manuscrits, que Spinoza est né. C'est-à-dire que lui, il est vraiment donc il parle plusieurs langues, c'est quelqu'un dont on ne peut pas dire qu'il a une langue maternelle vraiment. Il parlait probablement autant le portugais que l'espagnol, que le néerlandais. il apprend le latin un petit peu tard, mais dans une très bonne école qui lui permet de le maîtriser. Et il faut prendre en compte donc une situation sociale où la diversité est une évidence. C'est ça en fait la marque d'Amsterdam. C'est ça qui va donner naissance sous la plume du philosophe Spinoza au concept de multitude. Préface aux opéras posthuma de BDS. BDS, alias Bento de Spinoza. Bien que la plupart des textes rassemblés dans ce livre, bienveillant lecteur, soient inachevés et n'aient même pas été examinés, polis, ni amendés par l'auteur lui-même, il nous a semblé pertinent de les mettre au jour du fait qu'ils livrent des choses d'une grande utilité pour le monde des lettres et emplis de science pour le lecteur philosophe curieux qui, sans se reposer sur l'apparence du vrai, ni se laisser mouvoir par quelque autorité, cherche de solides raisons et des vérités indubitables. Si le nom de l'auteur n'est indiqué, sur la couverture et ailleurs dans le livre, que par ses initiales, c'est pour l'unique raison qu'il avait expressément demandé, peu avant de mourir, qu'on ne fît pas figurer son nom sur l'éthique dont il prévoyait l'impression. Pourquoi donc avait-il interdit cette inscription? À notre avis, parce qu'il ne voulait pas qu'une discipline porte son nom. Préface aux opéras posthuma de BDS, écrite par Yarig Yeles. Yarig Yeles, négociant en épices et fruits secs, renonce au commerce pour s'engager dans la recherche de la vérité. Membre de la communauté des Mennonites d'Amsterdam, a financé l'édition de certaines œuvres de Spinoza, auteur de la préface en irlandais des œuvres posthumes de BDS. Son engagement en faveur de Spinoza lui aurait causé des ennuis. Ludovic Meyer, homme de lettres, philosophe, poète et médecin, issu d'une famille luthérienne, écrit à propos de la théologie et de la philosophie. Se consacre aussi au théâtre. Soigna Spinoza à la fin de sa vie. Participa à l'édition des œuvres posthumes de BDS, pour lesquelles il traduisit en latin la préface de Yeles. Vraiment chez Spinoza, la pensée s'adresse à quelqu'un, il s'adresse à ses amis. Dans l'éthique en particulier, on voit qu'il intègre un très grand nombre de leurs suggestions et que cette éthique, en fait, elle n'est pas du tout écrite comme on l'a raconté, sortie tout droit de la conception géniale d'un seul cerveau. Elle est écrite dans un dialogue permanent et dans un envoi par correspondance permanent avec ses amis. Donc on n'a pas du tout affaire à un écrivain génial isolé, on a affaire à un philosophe qui a pris en charge une partie d'un programme qui est conçu par un groupe, il en a pris la partie la plus importante, les gens de ce groupe parfois l'admirent éperdument, parfois sont d'égal à égal avec lui, mais dans tous les cas, même dans le calme de sa maison, il est un écrivain en lien. Et même après la publication du traité théologico-politique, qui est le seul livre avec les principes de la philosophie de Descartes, qui est un premier ouvrage de professeur en fait, le traité théologico-politique, c'est la grande œuvre par laquelle Spinoza devient célèbre. Après donc cette publication, il va être fréquenté par tout ce que La Haye, en l'occurrence, compte d'esprits libres. Des femmes, des hommes, surtout des Français qui ont fui la tyrannie de Louis XIV. Donc là, le calme devient relatif puisque Spinoza, c'est la personne à aller voir. C'est chic, en fait, hein, d'aller voir Spinoza. Donc il n'est pas du tout cet être rejeté par sa société qu'on a peint. Spinoza aime Amsterdam et il aime la République des Provinces Unies parce que à la fois cette ville et le gouvernement de Jan de Witt incarne pour lui l'espoir d'une société possible. Et ce qui est magique, c'est que son espoir d'une société possible, s'exprime dans une société réelle, celle qui existe. C'est ça qui est beau, c'est que c'est une sorte d'utopiste réaliste. C'est-à-dire que... En même temps qu'il la vit, il la pense et il la projette. Il la projette et il la voudrait encore plus grande et mieux fondée. Voilà, plus sûre sur ses appuis. Et il n'a pas tort de le chercher, puisqu'en fait, elle va basculer presque immédiatement. En 1772, les Français envahissent les Provinces-Unies et tout ça est complètement détruit, irrémédiablement. Ça aura duré combien de temps ? 20 ans. Étienne Balibar, vous avez consacré de nombreuses études à Spinoza. Quels sont les événements politiques qu'a vécu Spinoza qui ont marqué sa réflexion philosophique ? Dans l'histoire du rapport de Spinoza avec la politique, il y a un événement extrêmement dramatique auquel il faut évidemment se référer pour comprendre un peu quelle était sa position dans son époque et dans la cité à laquelle il appartenait. Bon. Et puis aussi parce que ça a déterminé un changement, une nouvelle orientation de sa position. Cet événement dramatique, c'est la révolution ou le coup d'État, ça dépend comment on voit les choses, orangiste de 1672. Spinoza était né à Amsterdam dans une famille de maranes d'origine portugaise. Donc il est né dans une famille juive de marchands, de négociants, même probablement très à l'aise, et à l'intérieur d'une communauté qui n'était pas du tout isolée, c'était absolument pas un ghetto, hein, bon, qui au contraire occupait une place importante dans la vie, disons la vie sociale et en particulier la vie économique des Provinces-Unies, bon, mais qui était très fermée sur elle-même. Bon. Et alors, les Pays-Bas de l'époque, ça s'appelait pas les Pays-Bas, ce qu'on appelait les Provinces-Unies, était une exception extraordinaire en Europe, parce que c'était une république fédérale, en fait, constituée par des comtés, enfin bon, qui s'était libérée à la suite d'une longue guerre, on dirait aujourd'hui d'indépendance, de sa soumission à la couronne espagnole et par voie de conséquence évidemment au catholicisme officiel dominant. Bon. Alors il y avait des gens de toutes sortes de confessions, mais surtout ce qui caractérisait les Provinces-Unies en question, c'était un degré, je dirais, de liberté de culte et donc de liberté de conscience et de liberté d'expression qui était tout à fait unique en Europe. Bon. Alors ceci étant dit, la classe dirigeante des Provinces-Unies était mélangée, bon, était complexe. Il y avait d'une part un parti qu'on considère comme le parti républicain, qui était en même temps, disons, le parti de la tolérance religieuse la plus étendue. Et puis il y avait d'autre part un parti qu'on pourrait dire monarchiste, bon, enfin, qui a fini par justement donner naissance au royaume des Pays-Bas, dont les chefs de file étaient les princes d'Orange, hein, les princes d'Orange ou d'Orange Nassau. Ce qui s'est passé en 1672, c'est que le régime républicain, bon, d'essence aristocratique, mais que Spinoza considérait comme tendant vers une certaine forme de démocratie, a été renversé par une révolution populaire très, très violente. Bon, ils ont été renversés, mais non seulement renversés, mais massacrés par la foule. Les deux frères de Witt ont été traînés sur la place publique, dépecés, pendus, etc. Bon, et Spinoza, qui était très proche de ce parti républicain, mais qui vivait dans un quartier voisin, dans une banlieue de la capitale, de la ville de La Haye, a été même tenté, comme on le raconte souvent à cette époque-là, de sortir dans la rue pour exprimer toute son indignation en placardant sur les murs des affichettes qu'il avait fabriquées lui-même et sur laquelle il avait écrit en latin cette phrase devenue célèbre « Ultimi barbarorum », c'est-à-dire « Vous êtes les derniers des barbares ». Bon. Après, les Provinces-Unies, c'est toujours une république nominalement, on pourrait dire, mais cette république est dirigée par les princes de la famille d'Orange qui fusionneront avec l'Angleterre, enfin, qui finiront par la transformer en une monarchie. Bon. Donc ça, c'est le grand événement politique. Bon. Et seulement, en vous le décrivant, j'ai été amené à dire que Spinoza était très proche de ses dirigeants, disons, républicains, une sorte d'oligarchie, on pourrait dire, tolérante, qui caractérisait les Provinces-Unies de l'époque. Et ça tenait à différentes raisons, au fait qu'il avait été excommunié en en abjurant, enfin en considéré comme un hérétique au sein de la communauté juive. Et du coup, il s'était mêlé à un cercle d'amis qui étaient des gens caractérisés à la fois par leur adhésion à des formes diverses de christianisme communautaire, presque de communisme, les Quakers, enfin déjà des gens comme ça, les Mennonites, etc. Bon, donc du point de vue religieux, si vous voulez, des gens qui se portaient à l'extrême de l'idée d'indépendance et d'autonomie par rapport à toute structure d'église, ce que le grand commentateur de Spinoza, l'échec Kolakowski, avait appelé des chrétiens sans église. Et puis d'autre part, évidemment, du point de vue social, ces gens étaient les dirigeants d'une république marchande libérale, on va dire les choses de cette façon. On peut se représenter Spinoza comme un personnage qui, d'un côté, se consacre à des spéculations très abstraites et qui cherche la sagesse en recréant en quelque sorte toute la tradition philosophique qui a été fondée par Platon et par les Grecs et par d'autres dans l'intervalle, Descartes, dont il était un grand lecteur et un disciple, et puis d'autre part, quelqu'un qui est... Il vit très isolé, disons, comme individu. C'est pas le jour où il sort dans la rue, c'est vraiment contre ses habitudes et contre son ethos particulier. Mais il ne vit pas dans une tour d'ivoire. Il vit au contraire dans une interaction constante avec la politique et le gouvernement de son temps. Alors, je pense que le mot qui caractérise le mieux cette attitude, c'est que c'est une attitude de citoyen. Il y a beaucoup d'égards. Ce que je pense, c'est que la philosophie politique de Spinoza est une philosophie de la citoyenneté. Cher ami, lors de sa récente visite, le professeur N me disait entre autres qu'il avait entendu dire que mon traité théologico-politique avait été traduit en hollandais et que quelqu'un dont il ignorait le nom était sur le point de l'imprimer. En conséquence, je t'en prie avec insistance, renseigne-toi d'urgence sur cette affaire et si c'est possible, empêche l'impression. Je te le demande non seulement pour moi, mais aussi au nom de nombreuses connaissances amicales qui ne verraient pas sans crainte ce livre être interdit, comme il le sera sans aucun doute s'il paraît en langue hollandaise. Je te fais confiance pour t'acquitter de cette tâche, autant pour moi que pour la chose elle-même. BDS, au très courtois et très avisé, Monsieur Jarig Jeles. Et au contraire, après 1672, évidemment, il a eu tendance à se renfermer davantage, en tout cas, refermer sur son petit cercle d'amis proches, dont beaucoup étaient des contestataires, on dirait aujourd'hui des radicaux. Bon, et alors il a achevé la rédaction de son grand livre de métaphysique, qui s'appelle L'Éthique, ce qui n'est pas un hasard, bien sûr. Et puis d'autre part, il a entamé la rédaction d'un nouvel ouvrage de philosophie politique qui s'appelle Le Traité politique. Et ce traité politique, il n'a jamais réussi à le terminer. Il est mort, problème de tuberculose, enfin de pneumonie, etc., en 1676. Et le traité est resté inachevé. Alors, ce sont les amis de Spinoza qui l'ont publié l'année suivante avec l'ensemble de ses œuvres posthumes, notamment L'Éthique. Mais ce qui est évidemment très frappant aussi, c'est que ce livre est inachevé. Il annonce qu'il va comparer les différents régimes politiques et que donc ça va se terminer par la démocratie. C'est même la première fois qu'il essaye de faire une théorie de la démocratie qui soit complètement systématique. Et malheureusement, cette dernière partie manque. Il y a une expression latine, reliquia desiderantur, c'est-à-dire le reste manque. Alors, comme le reste, c'était l'essentiel, d'une certaine façon, ça a entraîné des effets tout à fait extraordinaires, y compris un certain nombre de tentatives d'historiens, de critiques et de philosophes, d'écrire le chapitre que Spinoza n'avait pas pu écrire. La philosophie de Spinoza est une philosophie essentiellement inachevée. Alors ça, dire ça, c'est aller un petit peu à l'encontre de la façon dont les choses étaient présentées dans ma jeunesse, quand j'étais étudiant au début des années 60. Alors les gens qui avaient publié les livres les plus impressionnants, et en tout cas ceux qui nous ont le plus marqués, étaient les tenants d'une conception, je dirais, ultra systématique de la philosophie. très influencé par le structuralisme, ou en tout cas proche du structuralisme. Bon, j'en ai beaucoup appris, mais en un sens, j'ai essayé, comme d'autres, de prendre un peu le contre-pied, c'est-à-dire de penser non pas que la philosophie de Spinoza est fermée sur elle-même comme un système dont on pourrait énumérer exactement tous les principes, tous les axiomes et toutes les conséquences ou toutes les conclusions, mais plutôt comme une sorte de grand chantier. Et c'est pour ça que j'attache beaucoup d'importance au fait que Spinoza ait été amené par des événements dramatiques à évoluer, non pas peut-être dans son inspiration fondamentale, mais quand même dans le contenu, l'explicitation de sa doctrine, en raison de ce qui se passait de son temps. J'ai tendance à penser, c'est que le chantier est toujours ouvert, vous comprenez. Bon, alors, je me suis souvent fait engueuler par des collègues ou des amis, justement, Alexandre Matron, le jour de ma soutenance de thèse, m'a dit, mais c'est insupportable, tu veux toujours nous expliquer que la philosophie de Spinoza débouche sur des problèmes insolubles, aussi bien en ce qui concerne la liberté d'expression, que en ce qui concerne la définition de la démocratie, que en ce qui concerne la sagesse, mais je l'entends dans un sens positif, c'est-à-dire les problèmes insolubles qu'un philosophe n'a pas réussi à résoudre à sa propre satisfaction, mais qu'il a cherché toute sa vie à reformuler et à énoncer, sont ceux que nous-mêmes, si les circonstances s'y prêtent et si on se sent suffisamment d'affinité avec lui, on peut essayer de reprendre à notre compte et de porter plus loin. Il y a eu une sorte d'émulation, on pourrait dire, de la part de philosophes de plusieurs générations qui voulaient retrouver le cœur, l'inspiration, l'impulsion, l'inquiétude même de ça, qui est à l'œuvre dans la pensée de Spinoza, pour la traduire dans les conditions de notre époque. Extrait lettre 8 de Simon de Vries à BDS. Indéfectible ami, j'ai envie de te voir depuis longtemps, mais le temps et l'hiver rigoureux ne m'ont pas été assez favorables. Souvent, je me plains de mon sort. Par la distance qu'il a mise entre nous, il nous tient si éloignés l'un de l'autre. Pourtant, même si nous sommes éloignés l'un de l'autre par le corps, tu ne m'es pas moins souvent présent à l'esprit, surtout lorsque je me penche sur tes écrits et que je les manipule entre mes mains. Il appuie sur son groupe d'amis, Spinoza, et est-ce qu'il en parle? Est-ce qu'il le valorise comme tel? Oui, c'est très évident, par exemple, en 66, c'est-à-dire après la mort de Peter Balling. Peter Balling, c'est donc l'un des membres du groupe dont naît l'éthique. L'éthique de Spinoza, c'est un livre qui a été écrit pour un groupe et en partie par un groupe dont Peter Balling est le traducteur. C'est-à-dire que ce texte est écrit en latin, Balling le traduit en néerlandais pour que tout le monde puisse commenter le texte. Tout le monde de ce groupe d'amis. De ce groupe d'amis. Tout ça circule sous forme manuscrite, hein, c'est pas du tout publié encore. Et Balling meurt en 65, probablement de la peste puisque l'épidémie fait rage en Hollande à cette époque. Et dès qu'il revient à Amsterdam après s'être mis en quarantaine chez les De Vries, Spinoza envoie à un ami, on sait pas trop qui, une lettre où il lui demande avec une insistance tout à fait singulière de reprendre le flambeau et de devenir le traducteur en néerlandais d'un travail en cours. Donc c'est très important parce que ça montre l'importance pour Spinoza de la collaboration avec ses amis. C'est-à-dire tout se passe comme si il ne pouvait pas continuer à écrire sans que ses amis, y compris les non-latinistes, puisse suivre son travail et commenter avec lui les directions qu'il est en train de prendre. Donc il y a quelque chose de très très fort dans ce rapport, c'est pas seulement un intellectuel qui écrirait des livres et qui les dédicacerait à ses amis, c'est plutôt quelqu'un qui conçoit son activité comme destinée à assurer les intérêts intellectuels de tout un groupe. Peut-être même de toute l'humanité, parce qu'en fait, ce qui est en jeu, c'est l'esprit humain. Mais malgré tout, dans sa vie, lui, il sait tout à fait qui sont ces personnes dont il veut faire le salut. Il sait tout à fait à qui il veut expliquer comment est-ce qu'on fait pour surmonter ses passions, comment est-ce qu'on fait pour vivre l'amour intellectuel. Il sait à qui il s'adresse. Et il sait aussi que ces personnes-là, elles ne reçoivent pas son enseignement comme des disciples reçoivent l'enseignement d'un maître. Simon de Vries, dans la lettre 8, décrit les choses de manière très précise. Concernant le collège, voici comment il est institué. Quelqu'un, nous alternons entre nous, fait la lecture d'une page de l'éthique, l'explique selon sa conception, puis on donne la démonstration complète en suivant la séquence et l'ordre de tes propositions. Alors, s'il arrive que l'un de nous ne puisse donner satisfaction à l'autre, nous avons décidé qu'il valait la peine de noter la question et de te l'écrire pour que, si c'est possible, elle nous revienne clarifiée. Ainsi, nous pourrons, sous ta direction, défendre la vérité contre ceux qui ne sont religieux et chrétiens que de manière superstitieuse. Alors, nous ferons face aux attaques du monde entier. Simon de Vries, au très illustre monsieur BDS, alias Bento de Spinoza. C'est très important de comprendre qu'il y a quelque chose que l'histoire a fait à Spinoza qui est vraiment étrange, et c'est de l'avoir coupé de ce milieu. C'est pas seulement un milieu en fait, c'est un réseau très actif d'amis avec lesquels il réfléchit. Simon de Vries, philosophe, ami parmi les plus proches, héberge Spinoza pendant la peste et prévoit après sa mort le versement au philosophe d'une pension annuelle de 500 florins que Spinoza préfère ramener à 300. Peter Balling, marchand, parle latin, grec, espagnol. Ami qui a initié Spinoza à la philosophie cartésienne. Traduit les pages de Spinoza du latin au néerlandais. Perd son fils pendant l'épidémie de peste, puis meurt à son tour, comme le redoutait Spinoza. Peter de Vries. Balling. Peter Balling. Simon de Vries. Johannes Bouwmeester. Jarik Jelles. Ludewijk Meijer. Adriaan Koerbach. Franciscus. Vries. Stijnsen. Le premier geste philosophique de Spinoza, c'est d'identifier sous le mot Dieu un concept très intéressant qui est celui d'un être absolument infini. En réfléchissant sur ce concept, qu'est-ce qu'un être absolument infini ? Spinoza s'aperçoit qu'on ne peut pas faire la division entre un être transcendant qui serait un créateur et une nature qui serait sa créature. On est obligé de les articuler d'une autre manière. Dieu ou la nature, ça signifie donc que toute la réalité peut être unifiée par un seul concept, que toute la matière peut être décrite à partir de seulement deux éléments de variation, qui sont le mouvement et le repos, et à partir de là, que la réalité humaine va elle aussi répondre à une logique aussi simple que celle du mécanisme, c'est-à-dire des rapports de transfert de mouvement et de repos. Cette vision du monde détermine donc à son tour une vision de l'homme qui est une petite machine comme les autres, comme tout l'univers qui est à la fois vivant et à la fois mécanique. C'est à la fois Dieu et à la fois totalement déterminé par un système de lois et de règles. Si on admet que l'homme est lui-même déterminé par un système de règles, la politique elle-même change d'aspect. Parce que au lieu d'imaginer qu'il soit nécessaire de guider un peuple ignorant en utilisant les lumières et je dirais presque l'élection divine d'un roi ou de quelque institution pyramidale, en fait on peut repenser les choses d'en bas, à partir du bas, et par exemple laisser s'exprimer la multitude, c'est-à-dire la diversité des populations qui vivent à tout instant dans presque n'importe quel endroit donné, et en particulier à Amsterdam et aux Provinces-Unies à l'époque de Spinoza. Je crois que ce qui fait le lien, c'est le fait que les monarchies ont toujours un lien avec des institutions religieuses à cette époque. Donc, si vous reconcevez Dieu comme étant la substance absolue et infinie de l'univers, et non pas comme un créateur, alors, ce qui appuie le pouvoir des monarques sur la religion s'effondre. Donc il va falloir refonder l'ensemble de la conception politique sur autre chose, sur un autre mode de souveraineté. Et ce mode de souveraineté, ça vient logiquement des administrés. Qui sont les administrés d'un État ? Non pas un peuple déjà unifié, c'est la multitude. Donc en fait, ça n'est pas vraiment une déduction directe de la métaphysique vers la politique. C'est plutôt que, du fait que la métaphysique fait s'effondrer la légitimité des institutions telles qu'elles existent à son époque, eh bien du coup, il faut refonder à zéro la politique, et c'est là qu'on revient à cette multitude, puisque de fait, les humains sont divers. Donc c'est de là qu'il faut repartir. Donc cette pensée, en fait, elle articule une vision très précise de la politique, y compris de la politique de son temps, avec une vision générale de l'être humain, qui vient elle-même d'une vision profonde sur la nature de la réalité. Lui, il va quand même vraiment très loin, puisque comme son dieu est finalement un dieu philosophique, qui est un dieu de métaphysique, un dieu qui est le dieu matière, énergie, appelez-le comme vous voulez, que lui va appeler l'être parfait. Bon, Spinoza, lui, il rationalise à tel point qu'il ne reste plus rien des Écritures, mais que du coup, derrière, puisqu'il n'y a rien à faire pour plaire à Dieu, sauf aimer, du coup, faites tout ce que vous voulez qui pourra vous soutenir dans votre effort pour aimer. Puisque dans le traité théologico-politique, il le dit clairement, peu importe ce que nous croyons ou disons à propos de Dieu. Est-ce qu'il est feu? Est-ce qu'il est souffle? Est-ce qu'il est matière? Peu importe. Donc ce geste-là, qui est un geste d'indifférence, qui a été mis au point dans ce groupe d'amis auquel participent Peter Baling, mais aussi Ludwig Meyer, mais aussi Adrian Courbar et Johannes Courbar et beaucoup d'autres, c'est en fait une liberté d'indifférence. Ces gens-là sont indifférents aux croyances, ils sont indifférents, pas aux religions, aux croyances, c'est-à-dire au contenu de pensée que vous associez à l'idée de Dieu. Parce que pour eux, Dieu c'est tout à fait autre chose, Dieu c'est un concept. Donc, construire une métaphysique qui n'est pas fondée sur la révélation, par exemple, et qui développe une autre conception de Dieu, c'est aussi une manière d'attaquer le pouvoir de ces institutions pour émanciper les esprits. Ça, c'est l'aspect polémique, en fait, de la métaphysique de Spinoza. Il s'agit de saper les fondements sur lesquels les institutions religieuses, mais aussi certaines institutions civiles, établissent leur pouvoir, leur mainmise sur les gens, sur l'esprit des gens, pour l'émancipation. Je crois qu'il faut vraiment penser ça en termes de libération d'esprits qui sont consciemment enfoncés dans l'ignorance et la superstition par certains pouvoirs. Courbar là-dessus est très clair, Meyer aussi est très offensif. Donc il y a des gens qui travaillent à rendre les autres ignorants. Spinoza et ses amis font l'inverse. Ils travaillent à défaire ces conceptions en les remplaçant par des démonstrations plus claires de ce que c'est que Dieu, de ce que c'est que comprendre, de ce que c'est que croire. Ça, c'est très important, c'est l'aspect polémique. Mais il y a aussi l'aspect constructif qui consiste à ouvrir une voie, qui est donc la voie rationaliste, qui permet aux humains de vivre une expérience d'union à Dieu qui ne passe pas par les codes habituels de la religion. Et cette expérience d'union à Dieu, elle est très simple chez Spinoza, elle s'appelle l'existence. C'est par l'existence et par l'intensification de notre expérience de l'existence que nous nous unissons à Dieu. Donc ça ne dépend pas d'un devoir, même pas d'un devoir moral, je parlais d'amour tout à l'heure, mais en fait ça dépend de rien d'autre que du fait d'exister, du fait même que vous existez en Dieu, puisque vous possédez un esprit qui a, écrit Spinoza, la connaissance adéquate de l'essence éternelle et infinie de Dieu. En un mot, Dieu, vous savez ce que c'est, donc vous n'avez pas besoin qu'on vous l'explique. De meesten die over de aandoeningen en de levenswijze der mensen geschreven hebben, schijnen niet over natuurlijke dingen, welke de gewone wetten der natuur volgen, doch over dingen welke buiten de natuur staan te handelen. Ja, wij schijnen de mens in de natuur te beschouwen als een zelfstandige staat binnen een andere staat. Immers, zij nemen aan dat de mens de orde de natuur eerder verstoort dan volgt. Chantal Jacquet, qu'est-ce qui vous a fasciné chez Spinoza? Et d'abord l'idée que c'est un penseur qui, tout en niant le libre arbitre comme étant illusoire, donne une grande puissance d'agir. Parce que généralement, quand on nie le libre arbitre, ce qui lui fait face, c'est l'idée du destin, de la fatalité, qui encourage un peu au quiétisme, à l'attentisme. Or, chez Spinoza, il y a l'idée que tout est déterminé, hein, mais que nous avons une puissance d'agir. C'est cette idée qu'il faut penser la puissance au sein de la nécessité, au sein du déterminisme. Et c'est quelque chose qui est tout à fait remarquable parce que ça nous donne des instruments pour nous libérer de ce qui nous oppresse. Et que cette détermination, elle n'est pas une fatalité. Hein, mais il faut reconnaître que nous sommes déterminés par des causes. Et cette conscience de la détermination par les causes, c'est le premier pas vers la liberté, vers une puissance d'agir, où on se détermine de l'intérieur. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Donc l'idée d'une puissance d'agir au sein du déterminisme et d'une puissance d'agir aussi avec les autres. C'est ça qui m'a particulièrement attirée. Et aussi le fait que c'est une pensée éthique qui tout à la fois implique que l'on puisse faire droit à l'existence des autres, mais sans qu'il y ait un appareil de valeurs comme le bien et le mal, qui implique une culpabilisation des hommes, les enfermer finalement dans leur ignorance, les enfermer finalement dans leur impuissance, au lieu de les libérer. C'est une philosophie qui nous libère de la culpabilité. Quand on lit la plupart des philosophes qui ont traité des affects, pas été question pour eux de choses naturelles, réglées par les lois générales de l'univers, mais de choses placées hors du domaine de la nature. Ils ont l'air de considérer l'homme dans la nature comme un empire dans un autre empire. Allez en croire. Chantal Jacquet, quel est le projet politique et philosophique de Spinoza? Comment est-ce qu'on pourrait le définir? Il s'agit de chercher la plus grande liberté et pour Spinoza et pour tous. Donc l'objectif, c'est d'atteindre une joie souveraine, qu'il définira plus tard comme béatitude, ou liberté, et de la partager. Ça, c'est tout à fait frappant dans sa démarche. Dès le traité de la réforme de l'entendement, il se met en quête d'un bien qu'il appelle communicable et il dit que c'est une partie de sa félicité que les autres puissent jouir du bien avec lui. Donc c'est toujours une démarche philosophique qui se fait de concert avec autrui. C'est là que se greffe le projet politique. Il se greffe sur une éthique puisqu'il s'agit de faire en sorte que, pour que le plus grand nombre atteigne ce bien souverain, eh bien on constitue une société telle que cela rende possible une éducation des hommes, une vie dans la concorde qui est propice au développement des sciences et des arts. Donc il y a toujours chez lui l'articulation de l'éthique et de la politique, ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et qu'est-ce que c'est ce souverain bien? Ce bien est d'abord lié à la connaissance vraie. C'est un bien peu à peu qui va être défini comme la perfection de l'intellect, une connaissance qui est la connaissance de Dieu et de la nature, mais à partir de Dieu et de la nature, cause première, eh bien on va connaître toutes les choses, en déduire toutes les choses. Mais ce n'est pas un simple intellectualisme, ce souverain bien, parce que pour Spinoza, l'esprit et le corps, c'est une seule et même chose, décrite tantôt sous l'attribut de l'étendue, le corps, tantôt sous l'attribut de la pensée, et l'esprit, ça n'est rien d'autre que l'idée du corps. Et de ce fait, développer son esprit, c'est en même temps développer son corps, puisque c'est une seule et même chose exprimée de deux manières. Et c'est pour ça que Spinoza dit, par exemple dans l'éthique 4, que pour chasser la tristesse, la mélancolie, il faut cultiver les plaisirs, Et il montre que plus le corps est apte à un grand nombre de choses, plus l'esprit est apte à penser. Donc il y a cette solidarité-là. Et donc il y a une culture des plaisirs qui passe pas seulement par le fait qu'on va bien se nourrir ou apprécier les boissons, mais également, il dit, le charme des plantes vertes, l'usage des parfums, le théâtre, la musique et toute une série de choses qui peuvent récréer l'homme. Donc il n'y a pas du tout d'ascétisme, pourrait-on dire. Il y a une culture des plaisirs et une culture des plaisirs partagée avec les amis. Il y a dans la philosophie de Spinoza, et ça aussi c'est une tension très intéressante, d'un côté une impulsion égalitaire ou égalitariste très puissante. C'est-à-dire qu'il est évident que Spinoza est un philosophe pour qui, sans doute, les hiérarchies sociales de toutes sortes peuvent exister, mais elles ne sont jamais vraiment fondées en nature. Mais d'un autre côté, alors, qu'est-ce que c'est que l'égalité, je veux dire, et surtout, comment est-ce que l'égalité et la liberté peuvent faire bon ménage à l'intérieur d'une constitution? C'est la quadrature du cercle que les démocraties cherchent à résoudre depuis les débuts de l'époque moderne, et peut-être même depuis les Grecs, d'ailleurs, depuis le modèle de la démocratie grecque. Bon. Enfin, ensuite, je suis arrivé à un deuxième stade d'élaboration, et à ce moment-là, j'ai emprunté un philosophe français qui aujourd'hui est assez célèbre, mais qui était un peu connu à l'époque, Gilbert Simondon, et quelques autres derrière lui, cette notion de transindividualité. Bon, ça sonne un peu compliqué, ça a l'air d'être du jargon. Enfin, on peut entendre que le transindividuel, c'est ce qui passe d'un individu à l'autre. Bon. Et il m'a semblé que ce qui était intéressant chez Spinoza, c'était le double refus des deux grandes tendances qui dominent la philosophie politique en Occident, en tout cas depuis l'Antiquité. C'est-à-dire d'un côté l'individualisme, hein, bon, était porté d'une certaine façon à son point de maximum par le libéralisme contemporain. Bon. Et puis de l'autre côté, alors là, il n'y a pas de mots parfaitement satisfaisants. Les anglo-saxons disent le holisme, en France, on dit l'organisme, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, ce qui fait l'essence du politique, c'est l'appartenance des individus à un tout, à un groupe, mais pas n'importe quel groupe, bien entendu, un groupe organique qui constitue une totalité comme la nation ou l'État, etc. Bon. Alors, il m'a semblé que ce qui était intéressant chez Spinoza, c'est qu'il essayait de se décaler par rapport à cette alternative. Bon, on ne peut pas éviter totalement, c'est-à-dire, bon. Et il essaie de se décaler en montrant que ce qui est existe toujours déjà, ce qui est le fondement de la vie en société, c'est la communication, on pourrait dire les choses de cette façon, c'est la communication entre les individus. C'est là que la philosophie de Spinoza devient à la fois complexe et absolument passionnante, parce que pour lui, cette communication s'établit toujours à la fois, je dirais, du côté des affects, de l'affectivité, non seulement des sentiments, mais de la passion. Et puis d'un autre côté, du côté de ce qu'il appelle la raison, mais pour lui la raison c'est fondamentalement l'utilité, ou c'est la capacité des individus de délibérer et de choisir en commun des solutions ou des projets qui correspondent à leur utilité propre, individuelle et collective. Donc il y a chez Spinoza une espèce de va-et-vient constant entre les deux aspects. D'un côté, il faut que les individus partagent des passions communes, des affects communs, bon, de l'amour, mais aussi éventuellement de la haine, et surtout de l'espoir et éventuellement de la crainte. Bon. Et de l'autre côté, il faut qu'ils soient, et ils en ont, d'après lui, toujours la possibilité, capables d'élaborer rationnellement cette notion d'une utilité commune, ou d'un intérêt commun, si vous voulez dire. Bon, alors, je pense que Spinoza n'a jamais pensé que la cité, disons les choses comme ça, ou le corps politique, pour employer le langage de l'époque classique, pouvait se construire uniquement sur la base des passions communes. Il a toujours pensé qu'il fallait une régulation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chez lui, c'est pas tellement une régulation par la loi, comme ça serait le cas chez Hobbes, par exemple, ou même chez Rousseau. Encore moins une régulation par l'autorité, la décision de l'État ou des détenteurs de l'État. Bon, et c'est une régulation par la raison collective. Adria, Courbach, Peter, Paul, Simon de Vries, Dweck, Meyer, Henri, Oldenburg. Alors, dans le traité théologico-politique, tout converge vers l'idée qu'il annonce dès le début, et qui consiste à dire non seulement la liberté de parole Donc la liberté de conscience, la liberté d'expression n'est pas un danger pour l'État, mais c'est au contraire le seul fondement sur lequel on peut espérer le stabiliser. Stabiliser, donc justement réguler les passions. Alors, promouvoir ne veut pas dire que ça ne puisse pas être dangereux, mais ça veut dire que les avantages sont plus grands que les inconvénients. La démocratie dont Spinoza parle dans le traité théologico-critique, c'est espèce, si vous voulez, de démocratisation du régime républicain, libera respublica, la libre république des Provinces-Unies. Donc cette démocratisation du régime républicain lui-même, à l'absolu opposé naturellement des monarchies et des théocraties, passe fondamentalement à ses yeux par l'extension maximale de la liberté d'expression. Mais quand on arrive au dernier chapitre, on s'aperçoit que Spinoza a plutôt formulé une difficulté, un dilemme que véritablement apporter une solution institutionnelle. Pourquoi ? Parce que sa grande idée, qui me semble très forte d'ailleurs, c'est qu'un régime politique fonctionne si les citoyens qui le constituent ont chacun pour son compte, du point de vue de son propre caractère, il appelle ça un génium, de sa propre psychologie, disons les choses de cette façon, et surtout du point de vue de ses convictions, qui peuvent être des convictions religieuses ou autres, des raisons de soutenir le bien commun ou l'État qui leur appartient à tous. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une doctrine d'État qui dise aux gens, voilà, vous devez obéir, vous devez faire ceci qui est juste, etc., parce que nous vous l'imposons. Il faut que chacun puisse se trouver sa propre histoire, ses propres raisons d'adhérer. Et ça, du point de vue de Spinoza, ça n'est possible que si la circulation des idées est entièrement libre, s'il n'y a pas de contraintes, s'il n'y a pas, n'est pas défendu d'arborer tel ou tel homme. Bon. Et d'un autre côté, évidemment, Spinoza, lecteur de Machiavel, sensible à l'idée que les masses peuvent être aussi autodestructrices, pense qu'il faut fixer une limite. Et alors cette limite, elle est assez attendue, bon, c'est qui consiste à dire les individus doivent pouvoir penser et dire tout ce qu'ils veulent, à condition que leurs actes ensuite soient contrôlés par l'État ou par la justice. Bon. Et donc ça pose la question, qui est une brûlante actualité aujourd'hui, de savoir où on fait passer la ligne de démarcation entre l'expression des opinions, qui peuvent être extraordinairement subversives ou provocatrices, etc., et puis d'autre part, la rébellion ou la violence, d'autant plus que les individus ne sont pas isolés les uns des autres, c'est-à-dire les paroles ont des conséquences. Les paroles produisent des effets. Et alors, dans ma description, dans mon analyse, j'ai dit, au fond, Spinoza n'a jamais trouvé ce point d'équilibre parce qu'il n'est pas trouvable, en fait. Je veux dire, dans la pratique, on peut le chercher, et on peut s'en approcher de façon plus ou moins satisfaisante, mais on ne peut pas donner une définition théorique du moment où les paroles, les discours, les idéologies cessent d'être purement théoriques, si vous voulez, ou spéculatives, pour commencer à entraîner des conséquences pratiques dont certaines seraient éventuellement inacceptables. Bon. Donc c'est une définition très forte de l'essence ou du fondement de la démocratie dans la liberté, et notamment dans la liberté de parole, et en même temps une conscience aiguë du fait que ça ne peut pas marcher comme une recette qu'on va appliquer. C'était Spinoza et compagnie, initiale BDS. Avec Chantal Jacquet, Catherine Secrétan, Étienne Balibar et Maxime Rovert. Un grand merci à Franck Mertens et à Lionel Astesiano. Lecture interprétée par Thierry Beauchamp et Evaout Cornelissen, tirée de la correspondance de Spinoza et du livre Spinoza et ses amis, traduit et présenté par Maxime Rovert. Prise de son Yves Lehors, Catherine Talavera, Georges Thau et Thibaut Nassimben. Mixage Bruno Mourlan. Un documentaire d'Élise Gruau, réalisé par Diffy Mariani. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à Amsterdam, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret.